je comprends vraiment pas. On s'enfuit devant moi quand je souffle un coup dans l'harmonica. Quand je joue, tout le monde rentre chez soi. Je commence à croire que ça ne va pas. Un jour j'ai essayé de boucher tous les trous. Pas un bruit n'est sorti, tout le monde est resté. Aussitôt j'ai compris, j'ai dit mon lapinou, il va falloir changer d'idée. Cet instrument-là n'est pas fait pour moi. C'est pas super pratique